connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Mon âme est pour toi, mon Dieu. Toi qui connais la sincérité de mon cœur. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, yeah. Papa la kaye, yo noye bi mote mananga ipona yo. Yo noye bi papa sina mona pona yo. Yo noye bi kochola machola ngai pola yo. Yes way yeah yeah yeah. Papa ngai ye. Yo noye bi papa sina mona pona yo. Yo noye bi kochola machola pona yo. Yo noye bi kofinga ba finga ngai pola yo. Yes way yeah yeah. Papa, tu vois ça, mémé au fond de l'abîme. Tu es haut, yeah, yeah. Aïe, n'a qui n'est qu'au abîme. Aïe, n'a qui m'a qu'au abîme. Kounana, c'est la main. Yesu, yo, salio. Koleka, ma pata. Papa, n'a qu'on a yo, eh. Moli, mola, yo, na motema. Kimako abio, moli mona yo na motema na kimako abio, Yesu ye. Nyonga koyo wa monene, kope sa bomo ina yo Yesu, mola nga zambeo, na koko kate kofuta nyongo na yo e, yangwe koti ndanga ingolinga ilo bala yo e. Kotindanga ikomona pasi pola nzela na yo e, Yesu e ye. Nyonga oyo monene, kopesa bomo ina yo Yesu, pola nga zambe o. Nakoko kate kofuta nyongo la yo e, ngai nakoka te kofuta nyongo la yo e. Yango kotindanga ikolinga, iloba na yo e. Yango kotindanga ikomola pasi pola nzela na yo. Yesu e ye. Kumbaba libanga atalo. Papa langa ye. Ikonzi na moto te. Kumbali kikakwe. Akango linga yawe. Yawe. Libanga atalo. Yawe kumama. Kumbali kitoko papa. Yawa kumama. Ikonzi na moto ye. Motema mwanga moto ndina mawa e. Motema oyanga e motema e. Motema mwanga moto ndina mawa. Motema mwanga moto ndina mawa e. Motema oyanga e motema e. Mawa nanga e ya bila bateo. Mawa nanga e ya bozwi pete. Bayawe oye lo binzambe langa na komo la teo na bomo inanga a papa motema e. Motema mwanga moto ndina mawa. Motema mwanga moto ndina mawa e. Motema oyanga i motema e. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh, oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies, pour mes péchés, oh, oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donnez-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde, oh. Seigneur, je t'en supplie, oh.